Grain de sable d'Attaque Québec. Aujourd'hui au Grain de sable, actualité américaine et poursuite Bayon. Bonjour, c'est Valérie Blouin qui reprend les ondes à cette belle soirée d'après-tempête et je vous souhaite la bienvenue à l'émission Le Grain de sable du groupe Attaque Capitale Nationale, préparée par Cédric Leterme et dont la mise en onde est assurée ce soir par Nicolas Montrand. Une émission qui, à chaque semaine, pose un regard critique sur l'actualité sociopolitique et économique, autant au niveau national qu'international. La semaine dernière, on vous avait annoncé la venue de Marie-Josée Vachon pour sa chronique mensuelle consacrée à l'Amérique latine. Malheureusement, elle a eu un empêchement et ne pourra être des nôtres aujourd'hui. Toutefois, rassurez-vous, c'est un invité de premier choix qui la remplace ce soir, puisque nous aurons le plaisir de passer la première demi-heure en compagnie de Robert Jasmin, co-président d'Attaque Québec et évidemment collaborateur de longue date du Grain de sable. Il viendra commenter l'actualité américaine en relevant certains faits qu'il considère significatifs et révélateurs de la réalité chez nos voisins du Sud. En deuxième partie, nous retrouverons ensuite notre dévoué producteur et chroniqueur, Cédric Leterme, pour parler de la question des poursuites Bayon, cette pratique juridique qui menace la participation citoyenne dans la vie publique. Alors, encore tout un programme aujourd'hui, mais avant d'attaquer, on se quitte un court instant le temps d'une pause musicale. Restez bien branchés et retrouvez-nous tout de suite après au Grain de sable, toujours sur les ondes de CKRL, la radio qui cultive tes goûts. Une avalanche de légumes en façade, opulence affichée comme une barricade. Petit homme frisé brun, à la blouse bleue, à l'accent algérien, épicier, rebeu. Il vend de tout et à toute heure, des clopes et des fruits, de l'alcool et du porc. Je l'aime bien, il est sympa, même s'il me vend des fois le pâté Olida au prix du meilleur foie gras. Félix l'épicier d'en face fait la grimace. Qu'est-ce qu'il faut ici? Qui retourne dans son pays? Ouais, c'est voleur et compagnie. Et c'est comme ça en Bougnouli. Mais Alice s'en fout, il gagne plus d'argent. Même Madame Barreau du 5e là-bas vient chez lui maintenant. Certains contiennent leur colère, seulement le tolère, car il est toujours ouvert. Même quand Félix a tiré son rideau de fer, Ali regrette qu'on le confonde avec les barbares à barbe, à la haine vagabonde. Est-ce que tous les Suisses fabriquent des pendules? Et peut-on affirmer que tous les Grecs s'en... L'épicier d'en face attire le client. On vend des produits français, nous, des produits bien de chez nous. Orange d'Espagne bien de chez nous, nez mais lasagne bien de chez nous, et pain de campagne bien chelou. Quelqu'un a brûlé l'épicerie d'Ali. Félix, bien sûr, a un alibi. Il se réjouit et se frotte les mains. Sans Ali, je vais faire fortune, c'est certain. À la place d'Ali, on voit de loin un grand carrefour, 60 magasins. Félix l'a dans le cul, il a plus de clients. Mais bordel, Carrefour, c'est français. Pourtant, maintenant, regrette son vieux concurrent. Il a compris, oui, mais trop tard, que l'ennemi c'est pas Ali, mais les grands qui mangent les petits. Ah, les grands qui mangent les petits. Et ouais, les grands qui mangent les petits petits. Comme Ali est petit, comme lui, tant pis pour lui. On vient d'entendre Benabar qui nous a chanté Félix. Merci Nicolas pour ce superbe choix musical. Alors de retour à l'émission Le Grain de sable d'Attaque Québec, pour les auditeurs qui n'auraient pas eu leur compte il y a deux semaines, Robert Jasmin est de nouveau avec nous ici au Grain de sable Et aujourd'hui, il vient commenter l'actualité américaine qui nous en dit long sur l'état de l'Empire et qui peut également être très riche en enseignements pour nous autres ici au Québec. Je rappelle que Robert Jasmin, le coprésident d'Attaque Québec, est un habitué de l'émission puisqu'il en a assuré la réalisation jusqu'à l'année dernière. Alors, vous pouvez l'entendre sur les ondes de CKRL un mercredi sur deux, ainsi que tous les samedis midi. Robert, bonsoir et bonsoir. Bienvenue parmi nous. Toujours un plaisir. Alors, c'est réciproque. Alors, le premier fait qui a été relevé dans l'actualité, c'est la disparition dimanche dernier d'un grand intellectuel américain. Oui, c'est pas un intellectuel qui est connu ici particulièrement, mais aux États-Unis, oui. Alors, il s'agit d'un professeur de l'Université de Californie à San Diego, Chalmers Johnson. Son décès nous a permis de prendre conscience que ce pays peut encore, malgré tout, produire de grands esprits. Je dis malgré tout, surtout malgré l'omniprésence dans les médias de masse de personnages publics assez médiocres, particulièrement ignorants, on le verra un petit peu plus tard, là, qui ne sont pas remarquables. En fait, la seule chose pour laquelle ils sont remarquables, c'est par leurs propos qui sont toujours fortement teintés de populisme. Qui était Chalmers Johnson et en quoi a-t-il contribué au débat public? En fait, Chalmers Johnson a acquis une grande notoriété par la publication de 3 livres importants sur les États-Unis, mais les États-Unis en tant qu'empire. Ce qui est assez rare quand même dans le vocabulaire américain, même parmi les observateurs politiques, c'est rare qu'on va parler de l'empire parce que c'est comme un tabou. Lui, il l'a fait. Et dans son premier ouvrage, il développe sa théorie du blowback. Dans un livre intitulé justement « Blowback, deux points, les coûts et conséquences de l'Empire américain ». Alors, il a écrit et publié cet ouvrage-là en 2000, soit avant les événements du 11 septembre. Et comme dit l'auteur, dans ce livre, j'ai voulu expliquer pourquoi nous, les Américains, sommes si détestés dans le monde. En fait, le terme « blowback » peut être traduit par « contre-coup » ou encore peut-être « effet boomerang ». Ce concept, toujours selon l'auteur, se réfère non seulement aux représailles que les États-Unis encourent suite à toutes ces opérations illégales contre des pays étrangers ou à l'intérieur de pays étrangers, des gestes ou opérations qui ont été cachés au public américain. Alors, je vais juste donner un exemple. On sait que derrière le pouvoir qui a assassiné Monseigneur Romero au Salvador, il y avait des ficelles qui étaient tenues par les Américains. Mais jamais un Américain va, même la plupart des Américains n'auront jamais entendu parler de Monseigneur Romero. Bon, c'est dans ce sens-là qu'on des opérations qui sont cachées au public américain. C'est seulement 30 ans plus tard que les Américains ont vraiment appris que leur gouvernement était directement responsable du coup d'État au Chili. Alors, c'est ça. Des exemples comme ça, on pourrait en donner des cinquantaines. Alors, ça signifie aussi que lorsque les représailles surviennent, comme le 11 septembre 2001, le public américain est incapable de remettre les choses dans leur contexte. De sorte que ce public-là réagit en cautionnant et en approuvant d'autres opérations, comme l'invasion de l'Irak, qui, elles, appellent d'autres contre-coups ou représailles, et ainsi de suite, sans fin, là. Il a écrit également un autre ouvrage, ça s'intitule... Oui, le deuxième, c'est « Les malheurs de l'Empire ». Alors, ce livre-là a été écrit pendant les préparations de l'invasion et de l'occupation de l'Afghanistan et de l'Irak. Johnson a étudié la continuelle expansion militaire des États-Unis depuis la Seconde Guerre mondiale. Alors, le maintien et l'entretien, en fait, de 737 bases militaires américaines sur la planète. Je dis bien 737. Là. Oui, faut le répéter, hein, 737. Oui. C'est pas une erreur de chiffre, là. Ce maintien-là de toutes ces bases, c'est l'illustration concrète de l'hégémonie, puis on pourrait ajouter de cette folie économique. Alors, il explique comment cette cette expansion d'une présence militaire est à l'origine de plusieurs interventions de type militaire, elles-mêmes étant des réponses à des contre-coups dus à l'existence de ces mêmes bases militaires. Donc, il faut comprendre que le public américain ne voit pas que ces bases-là sont la preuve de l'existence d'un empire. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les populations qui vivent dans les pays où se situent ces bases-là, elles se perçoivent comme des victimes d'une colonisation de nouveaux types, finalement. Mais Chalmers Johnson ne s'arrête pas là, je pense, dans son procès contre l'Empire. Parce que c'est vraiment un procès qu'on oui, tout à fait, tout à fait. Non, il s'en tient pas là parce que dans son troisième volume, et qui est celui qui a été le plus... qui a frappé le plus l'imagination, et on le voit par le titre. Le titre, c'est « Némésis », deux points, « Les derniers jours de la République américaine ». Donc, c'est un livre extrêmement pessimiste, là, vu avec les yeux d'un Américain. Oui, c'est très parlant. Mais évidemment, c'est pessimiste, mais quand on est contre les empires, c'est un livre qui annonce une bonne nouvelle. Mais là, c'est qu'il va plus loin. Il dit pas juste que c'est la fin de l'Empire, mais c'est la fin de la République américaine comme République. Parce qu'il conclut que cet empire-là est voué au même sort que tous les empires qui ont précédé dans l'histoire, c'est-à-dire la chute. On dirait que le destin normal d'un empire, c'est de s'effondrer. Un peu comme ce qui n'est pas le cas d'un petit pays. Un petit pays peut continuer à vivre. Je prends juste l'exemple de la Suède. Il n'y a jamais personne qui a pensé ou imaginé la chute de la Suède. Parce que c'est des pays qui sont pas constituent pas un empire. Mais un empire, par définition, tôt ou tard, à cause de l'expansion à laquelle il est condamné, va subir une chute. Alors, lui, il prétend que la République américaine, rêvée par les pères fondateurs, à partir du moment où cette République se transforme en empire, elle ne peut que faire faillite. Alors, comme je disais tout à l'heure, comme tous les empires de l'histoire. Et le dernier en date, comme exemple, étant l'Empire soviétique, pour des raisons économiques. Alors, c'est toujours autour de l'économie, en tout cas, la chute, dans le fond. Mais est-ce que l'auteur présente des chiffres? Est-ce que c'est, Oui, absolument. Puis ces chiffres-là sont vraiment éloquents. Là. Juste quelques-uns. Le budget de la défense aux États-Unis pour 2011 est de 708 milliards de dollars. Et pour avoir une perspective, bien, sachons que 708 milliards, c'est 100 milliards de plus que celui de 2009, à peine deux ans avant. Là. Donc en deux ans, un budget de 600 milliards qui passe à 700 milliards, c'est assez c'est un assez beau bond. Ce budget-là a été adopté sans même un murmure de protestation de la part du Congrès. Et le New York Times n'a consacré à ce sujet-là que trois petits paragraphes enfouis dans un long article sur le budget. Alors, ça donne quand même l'idée aux États-Unis comment c'est presque impossible de s'élever contre cet item du budget. Les gens vont descendre dans la rue pour dire qu'on dépense trop d'argent pour la santé. Tout à fait. Avec le nouveau régime implanté par Obama. Mais jamais personne descend dans la rue pour dire qu'on dépense trop d'argent en dépenses militaires. C'est comme entrer dans leur esprit. Et pour eux, c'est une question de vie ou de mort. Ils se questionnent pas sur l'ampleur, ils se questionnent pas sur l'expansion de toutes ces bases, puis de l'entretien et du coût, non. C'est comme si ça allait de soi. Mais le réveil peut être brutal. Alors, je trouve que, pour terminer ce bout d'information, c'est peut-être intéressant de lire ici un passage d'un article écrit par Chalmers Johnson en 2009, c'est tout récent. Et l'article était intitulé « Le gouffre financier du Pentagone ». Alors, nous vous écoutons. Nous vous écoutons, Robert. Et voici l'extrait. Et il ne faut jamais oublier hein, que Chalmers Johnson, c'est un Américain. Là. Oui, oui. Alors, et il dit « C'est une honte pour la nation. Dépenser des centaines de milliards de dollars pour des guerres présentes et futures qui n'ont rien à voir avec notre sécurité nationale est tout simplement obscène. Et pourtant, le Congrès a été corrompu par le complexe militaro-industriel qui lui a fait croire qu'en votant en faveur d'un accroissement des dépenses militaires, il procure des emplois pour l'économie. En fait, ils ne font que détourner vers des armements tout à fait inutiles les maigres ressources qui serait désespérément nécessaire pour la reconstruction de l'infrastructure américaine et pour d'autres dépenses cruciales. Si nous ne parvenons pas à réduire ces dépenses militaires toujours croissantes depuis trop longtemps, alors la faillite des États-Unis est inévitable. Comme l'actuelle débâcle de Wall Street en a fait la preuve, ce n'est plus une abstraction, mais une éventualité de plus en plus probable. Il ne nous reste plus beaucoup de temps. Alors, sur ces mots, Robert, merci beaucoup pour toutes ces révélations incroyables sur nos voisins du Sud. On va se quitter un court instant, le temps d'une pièce musicale, et on se retrouve après pour la suite de cette discussion passionnante avec Robert Jasmin. Restez avec nous. Dans les bureaux, que les politiciens désertent leurs secrétaires en attendant, chantent des chansons de bruant. Ont-elles peur de se faire disputer si des fois ils venaient travailler? Yeah. Est-ce que tu crois hein, qu'il est facile de s'occuper de sa famille, trouver à fils un logement, un emploi au gouvernement? On n'a pas le temps de s'occuper de ça quand on s'endort sur les bancs du Sénat. Heureusement, il y a Frida, la fille du Nord des chansons de Brel. Est-ce qu'elle a existé vraiment? Ou ça aussi c'est du boniment? Il y a des questions que je me pose, des questions que je me pose. Est-ce que tu crois que les toreros font juste ça comme un boulot sous prétexte que c'est en plein air? Ils habitent pas loin de la mer et que sur leur costume à la con, c'est leur mère qui retoule les boutons. C'est plus pratique. Je t'en trouverai moi des jobs d'été, transport de fond, c'est mal payé. Quand il se passe rien, tout va très bien, mais c'est un boulot qui tue bien. En connais-tu toi des pays où t'emmerder te sauve la vie? Heureusement y'a Frida, la fille du Nord des chansons de Brel. Elle a existé vraiment, ou ça aussi c'est du boniment. Il y a des questions que je me pose, des questions que je me pose. Thank you. Et on vient d'entendre San Severino qui nous a chanté Frida. Merci Nicolas. Alors de retour au Grain de Sable sur les ondes de CKRL, c'est Valérie Blouin qui vous parle. Nous sommes toujours en compagnie de Robert Jasmin, co-président d'Attaque Québec, avec qui nous étions en train d'évoquer les actualités en lien avec les États-Unis, dont le gouffre financier. Alors les prochains sujets dont on va traiter dans la chronique. À grand pays, grande fraude, et quand l'ignorance se porte bien et qu'on en est fier. Alors, vous savez, chers auditeurs, on parle beaucoup de la corruption ces jours-ci au Québec, mais peut-être que si on se compare, on peut se consoler. C'est un peu ce que Robert Jasmin va tenter de démontrer. Oui, en effet. L'actualité de la semaine aux États-Unis nous rappelle que lorsqu'ils s'y mettent, les Américains font passer nos petits Pierre Lacroix ou nos petits mafieux de la construction pour des amateurs. À preuve, cette semaine, Tom Delay, un des membres les plus puissants du Parti républicain et chef de la majorité républicaine à la Chambre des représentants jusqu'en 2005, on peut même le qualifier d'un des grands patrons de George Bush. Parce que Bush n'était pas le patron. Hein. Il faut le rappeler. Je pense qu'il n'avait pas assez d'envergure pour être patron. Cet homme... Tom Delay, dont le surnom à la Chambre était Monsieur Marteau. Ah oui, Monsieur Marteau. À cause de la poigne de fer avec laquelle il dirigeait les élus républicains. En passant, ça n'a rien à voir avec l'opération Marteau. Mais cet individu vient d'être trouvé coupable de plusieurs chefs d'accusation avant-hier, dont le blanchiment d'argent et une fraude dans le financement électoral d'une somme de 190 000 $. Alors, nos petites enveloppes peuvent aller se faire reviser, hein, les petites enveloppes de 3 000 puis 10 000. là-bas, c'est plus gros. Il va recevoir sa sentence le 20 décembre prochain et c'est à souligner qu'il est passible de la prison à vie. Un beau cadeau de Noël, en tout cas. Voilà. Alors, Tom Delay, alors ça veut dire qu'il s'ajoute à d'autres géants de la fraude? Oui. Et pas des moindres, hein? Parce que c'est bon de rappeler quand même, c'est toujours un petit peu bon de retourner en arrière, on oublie vite, hein? On oublie vite, puis on oublie surtout l'ampleur de ces fraudes. Il faut se rappeler les patrons de la compagnie Enron qui ont mis des milliers de leurs employés sur la paille en leur faisant perdre tous leurs fonds de pension, parce qu'on avait conseillé aux employés d'acheter des actions d'Enron, et de prévoir pour leur vieux jour de vivre sur ces actions-là, qui, du jour au lendemain, sont tombées à zéro. Alors, donc, sans parler des petits investisseurs qui avaient cru à la solidité de l'entreprise, alors qu'Enron, c'est un château de cartes, en réalité, construit sur des centaines de filiales fictives qui étaient enregistrées dans les paradis fiscaux. Un autre cas, pensons aussi à ce cher Madoff, qui croupit en prison actuellement après avoir fraudé plus de 50 milliards. Un vol commis auprès de riches personnages de la vie américaine. Alors, si les riches se mettent à voler les riches, on peut dire qu'il n'y a vraiment plus de morale. Et évidemment, tout ça sans parler de ces institutions financières qui se sont rendus responsables de la pire crise économique des États-Unis depuis la Grande Dépression des années 30. On oublie que cette crise a été fabriquée de toutes pièces. La seule chose, c'est qu'on ne voit pas vite les accusations et les condamnations. Mais il y a des coupables, sauf qu'ils sont tellement nombreux et répandus dans toutes les grandes institutions qu'on ne sait pas par quel bout les prendre. Pourtant, quand il s'agit des petits, sait toujours où et comment les prendre. Et c'est-à-dire qu'aux États-Unis, on ne cache pas son ignorance? Et non seulement on ne la cache pas, mais souvent on en est fier. Dans certains cas, il semble bien que ce soit même bien vu. Ce phénomène assez étonnant découle d'un certain triomphe du populisme ambiant qu'on retrouve aux États-Unis et d'un non moins certain anti-intellectualisme. Il y a deux choses qui peuvent empêcher une personne d'être élue aux États-Unis. Hein. C'est soit d'être intellectuel ou athée. Quand même. Dans un des deux cas, encore pire dans les deux cas, c'est impossible d'être élu. Alors, dans un pays de croyants, on se méfie des gens qui savent. On sait bien que le savoir est toujours menaçant pour une croyance. Mm-hmm. Alors, la personne qui publiquement affiche son ignorance sans vergogne, avec assurance, sera toujours privilégiée à la personne qui doute et qui cherche. Alors, ça, si ça... Si c'est un petit peu, en tout cas, dans des traits de caractéristiques ambiants là-bas, je suppose que ça doit se refléter dans la classe des dirigeants politiques. Absolument. Je dirais même que les électeurs préfèrent souvent élire une personne aussi ignorante qu'eux, plutôt, et qui leur ressemble, que quelqu'un qui pourrait les amener à réfléchir et à se questionner sur leur ignorance. Mm-hmm. C'est trop impliquant. Moi, personnellement, je peux dire... En passant, que j'ai toujours été fasciné et ravi de voter pour quelqu'un qui m'apparaissait supérieur à moi. Pas que je le sois moi-même, mais dans le sens que les leaders politiques qui nous entraînent plus haut et mieux, c'est toujours un plaisir de découvrir qu'il y en a à l'occasion. Mm-hmm. Mais c'est comme si là-bas, non, il fallait absolument quelqu'un qui nous ressemble. Je dis pas qu'on est exempt de ça au Québec. Dans mon comté, les gens ont élu, André Arthur. Bon. Est-ce qu'on aurait d'autres exemples pour les États-Unis? Oui, il y a des exemples on va s'oublier un peu. On va oublier nos mots à nous. Alors, juste en passant, j'ai essayé de colliger un certain nombre d'exemples qui peuvent illustrer ce que je viens de dire. Alors, il y a un Américain sur cinq qui croit encore que Obama est musulman. Il y a plus du quart des Américains qui ne croient pas à la théorie de l'évolution de Darwin. Et seulement 40% qui y croient. Les autres 30% ne savent même pas de quoi on parle. Ça, c'est pas des blagues. Là. Non. C'est vraiment des enquêtes sérieuses qui ont été faites. Au lieu de pleurer, ben, on va rire un peu. Oui, voilà. Il y a une majorité de jeunes Américains de 20 ans ne peuvent pas situer l'Irak ou l'Afghanistan sur une carte du monde. Mm-hmm. On va dire, ben, c'est peut-être normal. Mais est-ce que c'est normal dans un pays où leurs amis, leur famille, des membres de la famille ont pu mourir sur des champs de bataille? Mm-hmm. C'est assez étonnant. Je me souviens, moi, qu'il y a longtemps, pendant la guerre du Vietnam, j'avais rencontré un électricien aux États-Unis avec qui j'avais engagé une conversation qui était assez proche de notre famille. Et j'avais été complètement renversé de voir que cet homme, dont le fils était mort au Vietnam, ne pouvait même pas situer le Vietnam sur une carte du monde. Alors, c'est un peu ce qui se continue. Dans un autre ordre d'idée, 50% des Américains croient encore que Saddam Hussein est relié aux attaques du 11 septembre, alors que ça a été combien de fois démenti par ceux-là même qui avaient essayé de nous le faire croire. La moitié des nouveaux élus au Congrès, c'est des nouveaux élus de novembre de ce mois-ci, mm-hmm. ne croient absolument pas qu'il y ait un problème de réchauffement climatique. Et ça, malgré le témoignage de 700 scientifiques américains qui ont senti le besoin d'établir les faits puis, et même d'interpeller les élus. Parce qu'ils disent que ça n'a pas de bon sens. On est dirigé par des gens qui ne croient même pas l'évidence. Mm-hmm. Et dans un autre ordre d'idée encore, la moitié des élus au Congrès n'ont pas ou n'ont jamais eu de passeport. Ceci en dit long sur... leur expérience ou même sur leur intérêt pour ce qui se passe dans le monde. Et ça, c'est assez paradoxal quand on y pense, parce que pour une puissance qui est partout sur le globe, tant par ses interventions que par l'implantation de ses bases militaires, c'est presque impensable de dire qu'ils sont dirigés par des gens qui ne connaissent pas les autres pays. Enfin, dernier exemple, peut-être, si on veut,

à leur croche-pied un placard qui me rappelle soudain toi. Le sol que je ne touche pas si souvent. C'est pas faute d'avoir essayé, mais toutes ces conventions m'emmerdent. Sois poli, essuie ton nez, et t'es gentil, marche pas dans l'herbe. Si t'es en retard pour bosser, t'auras pas le droit à ton café. Y'en a plein de cul de voir s'agiter, des carottes pour me faire avancer. Ras-le-bol, je veux qu'on me laisse avancer doucement. Partage un très joli deux pièces avec des milliers de cul-bouteilles, des cendriers qui serrent les fesses et qui chantent des chansons de la veille. J'ai la photo sous l'oreiller d'une femme qui a partagé ma vie, qui est partie avec ma télé, frigo et les quatre pieds du lit. Le sol sur lequel je chute violemment. J'ai la tête en carafe et pas les yeux d'un hibou. Alors j'allume la lumière pour pouvoir marcher tout debout. Rapport à tous ces coins de table et à leur petit sourire sous moi. Alors croche-pied implacable qui me rappelle soudain à toi. Le sol que je ne touche pas si souvent. Entendre les blaireaux de Ravel qui nous ont chanté Le Sol. Vous êtes toujours à l'écoute du Grain de Sable ici à CKRL 89.1 pour notre deuxième partie d'émission. Une arme juridique pour museler la démocratie. Hein, intéressant, hein? C'est de cette façon, en tout cas, que beaucoup de gens considèrent ce qu'on appelle les poursuites Bayon. Ces poursuites judiciaires lancées le plus souvent par des multinationales contre des associations, des médias ou de simples citoyens qui tentent d'en dénoncer les pratiques douteuses. Alors, ça existe, les amis. C'est un phénomène qui a pris une ampleur inquiétante au Canada, à tel point que le Centre canadien de politique alternative, alors ça, c'est un... ce qu'on en anglais, comme on l'appelle, c'est un think tank qui peut être progressiste, si on veut. En tout cas, un centre de penseurs, en traduction libre, un centre de penseurs progressistes. Alors, ce Centre canadien de politique alternative tire la sonnette d'alarme. Pour en parler, je suis rejointe ici en studio par notre fidèle collaborateur, Cédric Leterme. Bonsoir, Cédric. Oui, bonsoir. Alors, Cédric, pourquoi est-ce que tu as voulu aborder cette question-là aujourd'hui? Oui. Ben, comme tu l'as dit, en fait, c'est suite à un article sur lequel je suis tombé, qui a été écrit donc par le Centre canadien de politique alternative, qui est un centre de penseurs, on va appeler ça comme ça, un think tank canadien de gauche, qui se distingue toujours par la publication de dossiers qui sont extrêmement bien documentés et très complets. Donc ici, je vais faire une petite parenthèse, hein, pour ceux qui lisent l'anglais, je vous encourage vraiment à aller visiter leur site à l'occasion, c'est le Centre canadien de politique alternative, vous pouvez le taper en français, vous tomberez dessus. Mm-hmm. C'est une vraie mine d'informations sur une ribambelle d'enjeux de société comme la défense des services publics, la protection de l'environnement, les soins de santé au Canada, bon, c'est toujours dans le contexte canadien. Et donc ça donne toujours beaucoup d'informations très fouillées et ça démontre souvent, preuve à l'appui, bah, beaucoup de thèses qui sont véhiculées à longueur de journée par la droite. Donc ça peut être un outil très utile pour ceux qui veulent se renseigner ou mener des campagnes, peu importe. Donc je ferme ici la petite parenthèse. Et donc un de leurs derniers dossiers à ce Centre canadien de politique alternative concernait justement la question des poursuites Bayon ici. Alors si je comprends bien, son contenu est pas très rassurant, mais non, est-ce que tu pourrais d'abord expliquer brièvement en quoi consiste une poursuite Bayon, mm-hmm. qui l'utilise depuis quand? En fait le terme poursuite Bayon ici au Québec, il date seulement de 2007. Il a été utilisé pour la première fois dans un rapport qui avait été rendu pour le ministère de la Justice. Qui se penchait un petit peu sur le phénomène, mais évidemment la pratique elle remonte à bien plus longtemps que ça, c'est beaucoup plus ancien que ça. D'après le dossier ici en question, la pratique elle serait apparue aux États-Unis dans les années 70, à un moment où le mouvement environnemental commençait à gagner en puissance et à se mobiliser de mieux en mieux, et donc à enregistrer quelques victoires. À partir de ce moment-là, les compagnies qui étaient souvent visées par ces campagnes ont commencé à utiliser les tribunaux pour essayer d'intimider les mouvements de contestation. Donc c'était une façon pour elles d'intimider ces mouvements-là et d'essayer de les museler. En anglais, cette pratique-là, elle s'appelle un SLAP, donc Strategic Lawsuit Against Public Participation. Donc en français, c'est poursuite stratégique contre la mobilisation politique. Tout est dit dans l'appellation, mm-hmm. Ça résume vraiment bien l'idée, c'est que on poursuit donc de manière stratégique pour vraiment faire cesser une mobilisation citoyenne. Quoi. Mais le but n'est pas nécessairement de gagner. Non, c'est ça exactement. D'ailleurs, la plupart du temps, les poursuites sont totalement farfelues, ou en tout cas vraiment disproportionnées. Quoi. Mm-hmm. Le moindre prétexte va être invoqué pour lancer l'action en justice. Que ce soit une atteinte à la réputation, on invoque aussi une atteinte aux intérêts économiques, on prétend aussi qu'il y a conspiration, enfin, on a vraiment vu toutes sortes de raisons être invoquées. Et du coup, c'est des personnes qui ont envoyé des lettres, qui ont signé des pétitions, qui sont plaintes auprès de leur municipalité, tout simplement, qui peuvent se retrouver poursuivies du jour au lendemain, donc pour des gestes qui sont assez simples et qui sont assez légitimes aussi de poser en tant que citoyen. Et après, les sommes réclamées en dommages et intérêts sont généralement astronomiques. Donc c'est ça la particularité, c'est ça qui fait que la pratique est généralement malheureusement efficace. Et donc on réclame des dommages et intérêts hallucinants et souvent déproportionnés, en tout cas par rapport au mal qui a été causé, soi-disant. Et tout ça dans l'unique but d'intimider les critiques et surtout de faire en sorte que les ressources des personnes visées soient entièrement détournées vers leur défense, quoi. Donc que ce soit en termes de temps, mais que ce soit en termes financiers aussi, puisque c'est des procédures qui peuvent être extrêmement longues et extrêmement coûteuses, et donc ça empêche finalement ces personnes-là de continuer leur combat, et ça les oblige de se reconcentrer exclusivement sur l'organisation de leur procès, quoi. Alors, la caractéristique des poursuites Bayon, c'est qu'elles sont lancées contre des individus ou des organismes qui s'occupent d'enjeux publics. Alors, ouais. On le rappelle. Mm-hmm. Est-ce que tu peux donner quelques exemples pour nos auditeurs? On connaît évidemment le cas d'Alain Deneau, que nous avons eu ici au Grain de Sable il y a quelques semaines. Oui, mais c'est ça, tout à fait. Le cas d'Alain, il a été fort médiatisé ici au Québec. Juste pour rappel, donc lui et les éditions Éco-Société ont été poursuivis par deux multinationales du domaine minier. Barrick Gold et Benro Corporation, Barrick Gold par exemple, c'est la multinationale qui œuvre dans le domaine de l'or la plus importante au monde. Les deux multinationales sont canadiennes. Ils ont donc été poursuivis pour un montant de 11 millions de dollars, c'est gigantesque, suite à la publication de l'ouvrage Noir Canada, pillage, corruption et criminalité en Afrique. Je vous invite à aller lire, ce serait la meilleure façon de soutenir Alain et de acheter son livre, c'est très bien fait en plus. Et donc ce livre-là dénonçait évidemment le comportement des compagnies minières canadiennes, notamment en Afrique, et donc se révélait particulièrement embarrassant pour ces deux entreprises-là. Le procès aura lieu en septembre 2011 ici au Québec, donc ça c'est probablement l'exemple qui est le plus connu, le plus récent pour nous. Mais il y a un autre exemple aussi dont je voulais vous parler, qui m'a particulièrement choqué quand j'ai lu cette histoire-là. Ça s'est passé en Colombie-Britannique. C'est le cas de Jack et Julie Hazen, un couple de retraités qui trouvait en fait tout simplement que les prix qui étaient pratiqués par une compagnie privée locale pour des services d'eau et des services d'égout étaient trop élevés. Donc ils se sont mobilisés, plusieurs voisins, pour essayer de faire quelque chose, parce qu'ils trouvaient que c'était pas correct. Donc ils ont envoyé des lettres, ils ont signé des pétitions, ils se sont plaints auprès de la ville, donc ils ont vraiment organisé une petite campagne à leur échelle. Et alors la réaction de la compagnie qui s'appelle Chapman, pour ne pas la citer, ça a été tout simplement de poursuivre quatre de ces personnes-là en diffamation. Tout simplement, oui, c'est ce qu'elle a trouvé de mieux à faire. Elle a même été jusqu'à engager un détective privé, donc c'est ici que ça devient particulièrement effrayant. Elle a été jusqu'à engager un détective privé qui s'est fait passer pour quelqu'un qui voulait acheter une maison dans le quartier, et donc qui a demandé leur opinion au couple Hazen en question, en enregistrant leur réponse pour ensuite l'utiliser durant le procès comme preuve à charge. Donc on voit que c'est vraiment des recours à des pratiques qui sont absolument abominables. Mmh. On aurait envie de se dire que des preuves pareilles, mais si c'est pas recevable dans un procès, on se dit que c'est pas possible. Mmh. Effectivement, en première instance, ça a été rejeté par le juge. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a eu appel, et le juge en appel a considéré que effectivement certains des propos enregistrés étaient diffamatoires, donc ça pouvait être utilisé contre le couple. Ah, c'est vraiment dérangeant ça. Ouais, alors d'autant plus que c'est loin d'être des cas isolés. Bon, alors avant de continuer là-dessus et puis de voir quelles sont les réactions qui sont apparues face à cette pratique, on va se laisser un moment pour décanter tout ça, le temps d'une petite pause musicale. Alors restez avec nous. veux sentir une dernière fois ton corps contre moi. Je pars en voyage. Tu pars très longtemps. Je vais t'oublier un peu, c'est sûr. C'est sûr. D'entendre Arthur H qui nous chantait avec Feist la chanson de Satie. Merci Nicolas pour cette superbe chanson qui nous a fait décanter un peu les propos de Cédric. Alors vous êtes toujours sur CKRL avec l'émission Le Grain de Sable jusqu'à 18h30, suivi de 100% Dynamite avec Jean-Baptiste Duvigneau et Gulvendi. Je vous rappelle qu'ils ont gagné hier au gala CKRL. C'est vrai. Alors je vous invite à également écouter cette émission tout de suite après la nôtre. On est toujours en compagnie de Cédric Leterme avec qui on discutait des enjeux liés aux poursuites Bayon, également appelées poursuites stratégiques contre la mobilisation publique. On a donné quelques exemples avant la pause de cette pratique ici au Canada, notamment avec le procès lancé par deux multinationales minières contre Alain Deneau. Vraiment, googlez ça, les amis. Allez voir, essayez d'apprendre plus au sujet de son histoire. Donc, contre Alain Deneau et les éditions Éco-Société suite à la publication du livre noir. Alors, Cédric, je suppose qu'on n'est pas les seuls à être choqués en entendant cette histoire. Qu'est-ce qui a entraîné comme réaction ce phénomène de la part des organismes, mais aussi de la part des autorités? Oui, ben c'est sûr que bon, cette pratique-là a été dénoncée dès le début, évidemment, pour ce qu'elle est, c'est-à-dire une tentative d'intimidation puis de musellement aussi de la participation citoyenne. Pour l'instant, c'est d'autant plus le cas que les poursuites Bayon semblent se multiplier ici au Canada. Donc ça, c'est particulièrement inquiétant et c'est là-dessus que le dossier dont je vous parlais du Centre canadien de politique alternative mettait l'accent. Donc il y a toute une mobilisation évidemment autour de cet enjeu-là, que ce soit de la part d'organismes environnementaux par exemple, puisqu'évidemment eux, ils sont vraiment en première ligne dans ce genre de problème-là, puisqu'ils vont vraiment toucher généralement des enjeux qui impliquent directement des multinationales, donc c'est souvent eux qui sont attaqués dans ce genre de dossier. Mais il y a aussi évidemment des médias ou des simples regroupements citoyens. Mais on retrouve aussi beaucoup de juristes qui dénoncent l'atteinte à la liberté d'expression que représentent les poursuites Bayon, quoi. Cédric, pour en revenir au cas d'Alain Deneau et d'Éco-Société, il y avait quand même reçu, par exemple, le soutien de quelque chose comme 60 maisons d'édition à travers le monde et aussi de toute une équipe, en tout cas, d'experts du droit. Oui, tout à fait. Ouais, vraiment, bah, c'est une lettre ouverte qui était sortie dans Le Devoir, je crois. Donc c'est ça, hein, qui regroupait à peu près 60 maisons d'édition, puis aussi à travers le monde d'ailleurs, ce qui est important à souligner. Puis aussi, je crois, une 67, si ma mémoire est bonne, experts juridiques qui dénonçaient donc la poursuite dont ils faisaient l'objet. Il faut aussi préciser que c'est loin d'être un cas isolé, cette défense-là, de la part de juristes. Par exemple, l'Association canadienne de droit, mais elle s'est déclarée absolument outrée par le verdict qui a été rendu dans l'affaire du couple Hazen, dont j'ai parlé avant la pause. Il y a aussi le magazine des avocats canadiens qui a dénoncé la pratique comme un instrument d'intimidation des plus faibles. Donc il y a vraiment une mobilisation à l'intérieur même du domaine des juristes pour dénoncer le recours aux poursuites Bayon. Donc la plupart de ces groupes-là, ils défendent en fait la nécessité de mettre en place des mécanismes pour essayer de protéger l'implication citoyenne contre ce type de poursuites-là, quoi. Protéger un peu la démocratie, finalement. Donc, alors justement, c'est quoi les solutions qui sont proposées contre les poursuites Bayon? Il s'agit généralement de solutions juridiques, évidemment, puisque c'est un problème qui se pose principalement au niveau du droit. Donc, c'est sûr que la plupart des solutions qui existeraient, en tout cas pour régler ce problème-là, elles font partie du domaine juridique. En fait, ça passe tout simplement par l'adoption de ce qu'on appelle des législations anti-poursuites Bayon. C'est-à-dire principalement des lois qui viseraient à faire en sorte que ce soit plus si simple pour une multinationale de lancer des poursuites à tort et à travers, comme c'est le cas pour l'instant. C'est extrêmement peu coûteux finalement pour elle de lancer des poursuites comme ça, et on l'a dit, sans se soucier du tout de l'issue du procès, quoi. Pourquoi ça serait peu coûteux, par exemple? Ouais, c'est ça, on se demande. Déjà, ils ont beaucoup de moyens, puis pour l'instant, ça coûte excessivement peu. Je crois que c'est quelques centaines de dollars, disait Greenpeace, que ça coûte pour intenter une poursuite pareille. Puis de toute façon, ça fait partie de leurs frais de fonctionnement, ces compagnies-là, d'avoir des équipes d'avocats, etc., mobilisées. Tandis qu'évidemment, des regroupements citoyens qui disposent de très peu de ressources, ça peut vraiment les mener à une ruine personnelle ou collective, tout à fait. De se faire engager dans un procès pareil, quoi. Donc généralement, les mesures qu'on préconise, c'est par exemple de mettre en place des lois qui font en sorte que le juge pourrait prendre des mesures assez tôt dans la procédure pour y mettre fin s'il estime qu'il a affaire à une poursuite Bayon. Donc quand une poursuite est déposée, si au bout de... tu sais, il y a toujours des travaux préliminaires, on entend les témoins pour à titre introductif, pour voir quels sont les arguments, etc. Si déjà, cette phase-là, le juge se rend compte que il y a manifestement affaire à une poursuite Bayon, il y a souvent des lois qui empêchent d'aller plus loin, qui permettent au juge de mettre fin à ça. Donc ça, c'est une des manières. On peut aussi, et ça c'est aussi très efficace, adopter des lois qui mettent en place des sanctions pour punir ce qui est considéré justement comme une utilisation abusive du système légal. C'est une poursuite Bayon, c'est vraiment ça. On a recours au système légal de façon abusive. Donc on peut prévoir dans la loi que cette attitude-là soit punie, par exemple en instaurant des amendes pour les gens qui auraient recours, ou alors en tenant personnellement responsable, les patrons de ces entreprises-là, si cette entreprise se retrouve coupable d'avoir procédé à une poursuite Bayon. Donc ça, c'est toutes des stratégies qui peuvent permettre de dissuader vraiment le recours à ces pratiques-là, quoi. Alors, je pense que ça existe déjà, ce type de loi-là. Oui, tout à fait, mais c'est ça. Là, ce que j'expliquais, ça se base vraiment sur des lois qui existent. Au Canada, il n'y a qu'au Québec, en fait, qu'on s'est doté d'une législation anti-poursuite Bayon. Donc, ce serait un petit peu les autres provinces, la bonne nouvelle du jour. Non, les autres provinces, malheureusement, il n'y en a toujours pas du tout. Alors, on répète la bonne nouvelle du jour. C'est que le Québec a donc, depuis 2009, suite à une grosse mobilisation citoyenne, donc comme quoi, parfois, ça vaut vraiment le coup de se mobiliser. Ouais, la manifestation. Il faut le souligner quand ça fonctionne. Donc, le Québec s'est doté en 2009 d'une législation qui a déjà fait ses preuves, qui a déjà été appliquée, donc elle a même passé le test de la pratique, donc c'est pas resté lettre morte. Faut préciser qu'en Colombie-Britannique, en 2001, la province aussi avait adopté une législation anti-poursuite Bayon. Sauf que, 4 mois après, il y a eu un changement de gouvernement et le nouveau gouvernement libéral a décidé de retirer la loi. Il y a aussi eu des tentatives au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse et en Ontario pour adopter des législations semblables, sauf que ça n'a jamais passé le test de l'approbation. À titre de comparaison, aux États-Unis, il y a déjà 28 États qui ont passé des législations anti-poursuite Bayon, anti-slap. Donc on peut dire qu'ils sont vachement plus avancés qu'ici au Canada, donc il reste quand même beaucoup de chemin à faire dans ce domaine-là. Mais quand même étonnant pour que la province de Québec ait quand même eu une volonté politique. Ouais, parce que là, ça a vraiment été un consensus de la part de tous les partis pour l'adopter. Donc, Même s'il y a quand même, il reste encore du chemin, il y a quand même de l'espoir. Tout à fait. Alors, merci Cédric. C'est déjà tout pour cette chronique, cette émission de ce beau vendredi d'après-tempête. Alors, j'aimerais remercier Nicolas Montrand, notre rocambolesque metteur en onde, qui a assuré merveilleusement cette mise en onde ce soir. J'aimerais également remercier notre incontournable Robert Jasmin et ainsi que Cédric Leterme pour leurs interventions. C'est vraiment génial. Alors, je vous rappelle, chers auditeurs, que nous sommes enregistrés. Alors, vous pouvez retrouver les enregistrements de l'émission disponibles via le site de CKRL. Alors, je répète l'adresse www.ckrl.qc.ca. Vous pouvez également vous les procurer sur celui d'Attaque Québec, donc www.quebec.attaque.org. Alors, vous allez retrouver toutes les informations de notre organisme. Vous allez également retrouver la façon d'y devenir membre si vous voulez vous impliquer dans notre organisation. Il y a de la place, c'est sûr. Et vous allez également avoir toutes les actions en cours. Je vous rappelle également que vous pouvez nous écrire à l'émission legraindesable@hotmail.com. Et donc, nous retrouverons vendredi prochain à 17h30 pour une nouvelle édition du Grain de Sable. Alors, mon nom est Valérie Blouin. Je vous souhaite de passer une excellente semaine et je vous laisse maintenant en compagnie de nos fiers récipiendaires. Alors, Jean-Baptiste Duvigneault et Goulvendi avec 100% dynamite tout de suite après ces quelques publicités. Alors, sur les ondes de CKRL, cette radio fabuleuse et unique qui cultive tes goûts.